à Monseigneur le duc de Bourgogne, qui avait demandé à Monsieur de La Fontaine une fable qui fut nommée Le chat et la souris. Fable introductive du livre 12e des Fables de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le chat et la souris. Pour plaire au jeune prince à qui la renommée destine un temple en mes écrits, comment composerais-je une fable nommée Le chat et la souris? Dois-je représenter dans ses vers une belle qui, douce en apparence et toutefois cruelle, va se joindre des cœurs que ses charmes ont pris comme le chat de la souris? Prendrais-je pour sujet les jeux de la fortune? Rien ne lui convient mieux, et c'est chose commune, que de lui voir traiter ceux qu'on croit ses amis, comme le chat fait de la souris. Introduirais-je un roi qu'entre ses favoris elle respecte seule, roi qui fixe sa roue, qui n'est point empêché d'un monde d'ennemis, et qui, des plus puissants, quand il lui plaît, se joue comme le chat de la souris? Mais insensiblement, dans le tour que j'ai pris, mon dessein se rencontre, et si je ne m'abuse, je pourrais tout gâter par de plus longs récits. Le jeune prince alors se jouerait de ma muse comme le chat de la souris. Fin de Le chat et la souris, dédié à Monseigneur le duc de Bourgogne. Fable introductive du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les compagnons d'Ulysse à Monseigneur le duc de Bourgogne. Première fable du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les compagnons d'Ulysse. Prince, l'unique objet du soin des immortels, souffrez que mon encens parfume vos autels. Je vous offre un peu tard ces présents de ma muse. Les ans et les travaux me serviront d'excuse. Mon esprit diminue, au lieu qu'à chaque instant on aperçoit le vôtre aller en augmentant. Il ne va pas, il court, il semble avoir des ailes. Le héros dont il tient des qualités si belles, dans le métier de Mars brûle d'en faire autant. Il ne tient pas à lui que, forçant la victoire, il ne marche à pas de géant dans la carrière de la gloire. Quelque dieu le retient, c'est notre souverain, lui qu'un mois a rendu maître et vainqueur du Rhin. Cette rapidité fut alors nécessaire. Peut-être elle serait aujourd'hui téméraire. Je mentais. Aussi bien les ris et les amours ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours. De ces sortes de dieux, votre cours se compose. Ils ne vous quittent point. Ce n'est pas qu'après tout, d'autres divinités n'y tiennent le haut bout. Le sens et la raison y règlent toutes choses. Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs, imprudents et peu circonspects, s'abandonnèrent à des charmes qui métamorphosaient en bêtes les humains. Les compagnons d'Ulysse, après 10 ans d'alarme, erraient au gré du vent de leur sort incertain. Ils abordèrent un rivage où la fille du dieu du jour, Circé, tenait alors sa cour. Elle leur fit prendre un breuvage délicieux, mais plein d'un funeste poison. D'abord ils perdirent la raison. Quelques moments après, leur corps et leur visage prennent l'air et les traits d'animaux différents. Les voilà devenus ours, lions, éléphants, les uns sous une masse énorme, les autres sous une autre forme. Il s'envie des petits, exemplum ut talpa. Le seul Ulysse en échappa. Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignait à la sagesse la mine d'un héros et le doux entretien,

du domaine public. Les deux chèvres. Fable 4 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre vocale de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les deux chèvres. Dès que les chèvres ont brouté, certain esprit de liberté leur fait chercher fortune. Elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Là, s'il est quelque lieu sans route et sans chemin, un rocher, quelque mont pendant en précipice, c'est où ces dames vont promener leurs caprices. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. Deux chèvres donc, s'émancipant, toutes deux ayant pattes blanches, quittèrent les bas prés, chacune de sa part. L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche. Deux belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir, avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient, pas à pas, nez à nez, nos aventurières, qui, toutes deux étant fort fières, vers le milieu du pont ne se voulurent pas l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race, à ce que dit l'histoire, l'une, certaine chèvre au mérite sans père, dont Polyphème fit présent Galatée, et l'autre, la chèvre maltée, par qui fut nourri Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. Fin de Les deux chèvres. Fable 4 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le vieux chat et la jeune souris. Fable 5 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le vieux chat et la jeune souris. Une jeune souris, de peu d'expérience, crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence et payant de raison le ramina grubis. « Laissez-moi vivre. Une souris de ma taille et de ma dépense était la charge en ce logis. Affamerais-je, à votre avis, l'hôte, l'hôtesse et tout leur monde? D'un grain de blé je me nourris. Une noix me rend toute ronde. À présent, je suis maigre. Attendez quelque temps. Réservez ce repas à messieurs vos enfants. » Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit, « Tu t'es trompé. Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez. Cela n'arrive guère. Selon ses lois, descends là-bas, meurs, et va-t'en tout de ce pas haranguer les sœurs filandières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. » Il tint parole. Et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Fin de Le vieux chat et la jeune souris. Fable 5 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le cerf malade. Fable 6 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cerf malade. En pays plein de cerfs, un cerf tomba malade. incontinent, mais camarade accourt à son grabat, le voir, le secourir, le consoler du moins. Multitude d'importunes. « Eh, messieurs, laissez-moi mourir. Permettez qu'en forme commune la parque m'expédie, et finissez vos pleurs. » Point du tout. Les consolateurs de ce triste devoir tout au long s'acquittèrent quand il plut à Dieu, s'en allèrent. Ce ne fut pas sans boire un coup, c'est-à-dire sans prendre un droit de pâturage. Tout se mit à brouter les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup. Il ne trouva plus rien à frire. D'un mal, il tomba dans un pire, et se vit réduit à la fin à jeûner et mourir de faim. Il en coûte à qui vous réclame, médecin du corps et de l'âme. Au temps, aux mœurs, j'ai beau crier, tout le monde se fait payer. Fin de Le cerf malade. Fable 6 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La chauve-souris, le buisson et le canard. Fable 7 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La chauve-souris, le buisson et le canard. Le buisson, le canard et la chauve-souris, voyant tous trois qu'en leur pays ils faisaient petite fortune, vont trafiquer au loin et font bourse commune. Ils avaient des comptoirs, des facteurs, des agents non moins soigneux qu'intelligents, des registres exacts de mise et de recettes. Tout allait bien, quand leur emplette, en passant par certains endroits remplis d'écueils fort étroits et de trajets très difficiles, alla tout emballer au fond des magasins qui, du Tartare, son voisin. Notre trio poussa mes regrets inutiles, ou plutôt, il n'en poussa point. Le plus petit marchand est savant sur ce point. Pour sauver son crédit, il faut cacher sa perte. Celle que, par malheur, nos gens avaient soufferte, ne put se réparer. Le cas fut découvert. Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressources, prêts à porter le bonnet vert. Aucun ne leur ouvrit sa bourse. Et le sort principal et les gros intérêts, et les sergents et les procès, et le créancier à la porte dès devant la pointe du jour, n'occupaient le trio qu'à chercher mes détours pour contenter cette cohorte. Le buisson accrochait les passants à tout coup. « Messieurs, leur disait-il, de grâce, apprenez-nous en quel lieu sont les marchandises que certains gouffres nous ont prises. » Le plongeon sous les eaux s'en allait les chercher. L'oiseau chauve-souris n'osait plus approcher pendant le jour nulle demeure. Suivi de sergents à toute heure, en des trous il s'allait cacher. Je connais un médiateur qui n'est ni souris chauve, ni buisson, ni canard, ni dans tel cas tombé, mais simple grand seigneur qui tous les jours se sauve par un escalier dérobé. Fin de Le buisson, la chauve-souris et le canard. Fable 7 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris. Fable 8 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris. La discorde a toujours régné dans l'univers. Notre monde en fournit mille exemples divers. Chez nous, cette déesse a plus d'un tributaire. Commençons par les éléments. Vous serez étonné de voir qu'à tout moment, ils seront à pointer contraire. Outre ces quatre potentats, combien d'êtres de tous états se font une guerre éternelle? Autrefois, un logis plein de chiens et de chats, par cent arrêts rendus en forme solennelle, vit terminer tout leur débat. Le maître ayant réglé leur emploi, leur repas, et menacé du fouet quiconque aurait querelle, ces animaux vivaient entre eux comme cousins. Cette union si douce et presque fraternelle édifiait tous les voisins. Enfin, elle cessa. Quelques plats de potage, quelque os par préférence à quelqu'un d'eux donné, fit que l'autre partie s'en vint tout forcené représenter un tel outrage. J'ai vu des chroniqueurs attribuer le cas au passe-droit qu'avait une chienne en Gésine. Quoi qu'il en soit, cet altercat mit en combustion la salle et la cuisine. Chacun se déclara pour son chat, pour son chien. On fit un règlement dont les chats se plaignirent, et tout le quartier étourdirent. Leur avocat disait qu'il fallait, bel et bien, recourir aux arrêts. En vain, ils les cherchèrent. Dans un coin, où d'abord leurs agents les cachèrent, les souris enfin les mangèrent. Autre procès nouveau. Le peuple souriquois en pâtit. Mais vieux chat, fin, subtil et narquois, et d'ailleurs en voulant toute cette race, les guetta, les prit, fit main basse. Le maître du logis ne s'en trouva que mieux. J'en reviens à mon dire. On ne voit sous les cieux nul animal, nul être, aucune créature qui n'ait son opposé. C'est la loi de nature. D'en chercher la raison, ce sont soins superflus. Dieu fit bien ce qu'il fit, et je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles on en vient sur un rien plus des trois quarts du temps. Humain, il vous faudrait encore à 60 ans renvoyer chez les barbacoles. Fin de La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris. Fable 8 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le loup et le renard. Fable 9 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le loup et le renard. D'où vient que personne en la vie n'est satisfait de son état? Tel voudrait bien être soldat, à qui le soldat porte envie. Certains renards voulut, dit-on, se faire loup. Et qui peut dire que pour le métier de mouton, jamais aucun loup ne soupire? Ce qui m'étonne est qu'à 8 ans, un prince en fable ait mis la chose, pendant que sous mes cheveux blancs, je fabrique à force de temps des vers moins sensés que sa prose. Les traits dans sa fable semée ne sont en l'ouvrage du poète ni tous ni si bien exprimés. Sa louange en est plus complète de la chanter sur la musette. C'est mon talent. Mais je m'attends que mon héros, dans peu de temps, me fera prendre la trompette. Je ne suis pas un grand prophète. Cependant, je dis dans les cieux que bientôt ces faits glorieux demanderont plusieurs homères. Et ce temps-ci n'en produit guère. Laissant à part tous ces mystères, essayons de conter la fable avec succès. Le renard dit au loup, « Notre cher, pour tout mets, j'ai souvent un vieux coq ou de maigres poulets. C'est une viande qui me lasse. Tu fais meilleure chair avec moins de hasard. J'approche des maisons, tu te tiens à l'écart. Apprends-moi ton métier, camarade, de grâce. Rends-moi le premier de ma race qui fournisse son croc de quelques moutons gras. Tu ne me mettras point au nombre des ingrats. » Je le veux, dit le loup. Il m'est mort, un mien frère. Allons prendre sa peau, tu t'en revêtiras. Il vint, et le loup dit, voici comme il faut faire, si tu veux écarter les mâtins du troupeau. Le renard, ayant mis la peau, répétait les leçons que lui donnait son maître. D'abord il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien. Puis enfin, il n'y manqua rien. À peine il fut instruit autant qu'il pouvait l'être, qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau loup y court et répand la terreur dans les lieux d'alentour. Tel, vêtu des armes d'Achille, Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville. Mères, bruses et vieillards, au temple couraient tous. L'hoste du peuple bêlant crut voir 50 loups. Chiens, bergers et troupeaux, tout fuit vers le village, et laisse seulement une brebis pour gage. Le larron s'en saisit. À quelques pas de là, il entendit chanter un coq du voisinage. Le disciple aussitôt, droit au coq, s'en alla, jetant bas sa robe de classe, oubliant les brebis, les leçons, le régent, et courant d'un pas diligent. Que sert-il qu'on se contrefasse? Prétendre ainsi changer est une illusion. L'on reprend sa première trace à la première occasion. De votre esprit, que nul autre n'égale, le prince, ma muse tient tout entier ce projet. Vous m'avez donné le sujet, le dialogue et la morale. Fin de Le loup et le renard. Fable 9 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'écrevisse et sa fille. Fable 10 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'écrevisse et sa fille. Les sages, quelquefois, ainsi que l'écrevisse, marchent à reculons, tournent le dos au port. C'est l'art des matelots. C'est aussi l'artifice de ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, envisagent un point directement contraire, et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. Mon sujet est petit, cet accessoire est grand. Je pourrais l'appliquer à certains conquérants qui, tout seul, déconcertent une ligue à 100 têtes. Ce qu'il n'entreprend pas et ce qu'il entreprend n'est d'abord qu'un secret, puis devient des conquêtes. En vain, l'on a les yeux sur ce qu'il veut cacher. Ce sont arrêts du sort qu'on ne peut empêcher. Le torrent à la fin devient insurmontable. 100 dieux sont impuissants contre un seul Jupiter. Louis et le destin me semblent de concert entraîner l'univers. Venons à notre fable. Mère écrevisse un jour à sa fille disait « Comme tu vas, bon Dieu, ne peux-tu marcher droit ?»« Et comme vous allez vous-même, dit la fille, puis-je autrement marcher que ne fait ma famille ? Veut-on que j'aille droit quand on y va tortue ?» Elle avait raison. La vertu de tout exemple domestique est universelle et s'applique en bien, en mal, en tout. Fait des sages, des sots, beaucoup plus de ceux-ci. Quant à tourner le dos à son but, j'y reviens. La méthode en est bonne, surtout au métier de bellonne, mais il faut le faire à propos. Fin de L'écrevisse et sa fille. Fable 10 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'aigle et la pie. Fable 11 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'aigle et la pie. L'aigle, reine des airs avec Margot la pie, différente d'humeur, de langage et d'esprit et d'habit, traversait un bout de prairie. Le hasard les assemble en un coin détourné. La gasse eut peur, mais l'aigle, ayant fort bien dîné, la rassure et lui dit « Allons de compagnie, si le maître des dieux assez souvent s'ennuie, lui qui gouverne l'univers, j'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qui le sert. Entretenez-moi donc, et sans cérémonie. » Caquet bon bec alors de jaser au plus de lui, sur ceci, sur cela, sur tout. L'homme d'Horace, disant le bien, le mal, à travers champs,

garde-t'en bien, dit l'autre. Ami, ne le fais pas. Laisse-les, je te prie, achever leur repas. Ces animaux sont saouls. Une troupe nouvelle viendrait fondre sur moi, plus âpre et plus cruelle. Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas. Ceux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats. Aristote appliquait cet apologue aux hommes. Les exemples en sont communs, surtout au pays où nous sommes. Plus telles gens sont pleins, moins ils sont importuns. Fin de Le renard, les mouches et le hérisson. Fable 11 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'amour et la folie. Fable 14 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'amour et la folie. Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu, comment, dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait aussi être réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public et celui de la patrie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Fin de L'amour et la folie. Fable 14 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat. Fable 15 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat. À Madame de la Sablière. Je vous gardais un temple dans mes vers. Il n'eût fini qu'avec l'univers. Déjà ma main en fondait la durée sur ce bel art qu'ont les dieux inventé et sur le nom de la divinité que dans ce temple on aurait adoré. Sur le portail j'aurais ces mots écrits. Palais sacré de la déesse Iris. Non celle-là, car Junon a ses gages, car Junon même est le maître des dieux, servirait l'autre et serait glorieux du seul honneur de porter ses messages. L'apothéose à la voûte eut paru. Là, tout l'Olympe en pompe eût été vu, plaçant Iris sous un dais de lumière. Les murs auraient amplement contenu toute sa vie. Agréable matière, mais peu féconde en ces événements, qui des états font les renversements. Au fond du temple eût été son image. Avec ses traits, son sourire, ses appas, son art de plaire et de n'y penser pas, ses agréments à qui tout rend hommage. J'aurais fait voir à ses pieds des mortels et des héros, des demi-dieux encore, même des dieux. Ce que le monde adore, vient quelquefois parfumer ses autels. Juste en ses yeux fait briller de son âme tous les trésors, quoique imparfaitement. Car ce cœur vif et tendre infiniment, pour ses amis et non point autrement, car cet esprit, qui naît du firmament, à beauté d'homme avec grâce de femme, ne se peut pas, comme on veut exprimer. Ô vous, Iris, qui savez tout charmer, qui savez plaire en un degré suprême, vous que l'on aime à l'égal de soi-même, ceci soit dit sans nul soupçon d'amour, car c'est un mot banni de votre cour, laissons-le donc. Agréez que ma muse achève un jour cette ébauche confuse. J'en ai placé l'idée et le projet pour plus de grâce. Au-devant d'un sujet où l'amitié donne de telles marques et d'un tel prix que leur simple récit peut quelque temps amuser votre esprit. Non que ceci se passe entre monarques. Ce que chez vous nous voyons estimer n'est pas un roi qui ne sait point aimer. C'est un mortel qui sait mettre sa vie pour son ami. J'en vois peu de si bon. Quatre animaux, vivants de compagnie, vont aux humains en donner des leçons. La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue, vivaient ensemble, unis, douce société. Le choix d'une demeure aux humains inconnus assurait leur félicité. Mais quoi, l'homme découvre enfin toute retraite. Soyez au milieu des déserts, au fond des eaux, au haut des airs, vous n'éviterez point ces embûches secrètes. La gazelle s'allait battre innocemment quand un chien, maudit instrument du plaisir barbare des hommes, vint sur l'herbe et vantait la trace de ses pas. Elle fuit. Et le rat, à l'heure du repas, dit aux amis restants, « D'où vient que nous ne sommes aujourd'hui que trois conviés? La gazelle déjà nous a-t-elle oubliés? » À ces paroles, la tortue s'écrie et dit, « Ah, si j'étais comme un corbeau d'ailes pourvues, tout de ce pas je m'en irais, apprendre au moins quelle contrée, quel accident, tient arrêté notre compagne au pied léger. Car à l'égard du cœur, il en faut mieux juger. » Le corbeau part à tire-d'aile. Il aperçoit de loin l'imprudente gazelle prise au piège et se tourmentant. Il retourne avertir les autres à l'instant. Car, de lui demander quand, pourquoi, ni comment, ce malheur est tombé sur elle, et perdre en vain discours cet utile moment, comme eût fait un maître d'école, il avait trop de jugement. Le corbeau donc vole et revole. Sur son rapport, les trois amis tiennent conseil. Deux sont d'avis de se transporter sans remise au lieu où la gazelle est prise. L'autre, dit le corbeau, gardera le logis. Avec son marché lent, quand arrivera-t-elle? Après la mort de la gazelle. Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir leur chère et fidèle compagne, pauvre chevrette de montagne. La tortue y voulut courir. La voilà comme eux en campagne, maudissant ses pieds courts avec juste raison et la nécessité de porter sa maison. Ronge-maille, le rat eut à bon droit ce nom, coupe les nœuds du lac. On peut penser la joie. Le chasseur vient et dit, « Qui m'a ravi ma proie? » Ronge-maille à ces mots se retire en un trou. Le corbeau sur un arbre, en un bois, la gazelle. Et le chasseur est demi-fou de n'en avoir nulle nouvelle, aperçoit la tortue et retient son courroux. « D'où vient, dit-il, que je m'effraie? Je veux qu'à mon souper celle-ci me défraie. » Il l'a mis dans son sac. Elle eût payé pour tous si le corbeau n'en eût averti la chevrette. Celle-ci, quittant sa retraite, contrefait la boiteuse et vient se présenter. L'homme de suivre et de jeter tout ce qui lui pesait, si bien que Ronge-maille, autour des nœuds du sac, tant opère et travaille, qu'il délivre encore l'autre sœur, sur qui s'était fondé le souper du chasseur. Pilpay compte qu'ainsi la chose s'est passée. Pour peu que je voulusse invoquer Apollon, j'en ferais, pour vous plaire, un ouvrage aussi long que l'Iliade ou l'Odyssée. Rongemaille ferait le principal héros, quoiqu'à vrai dire, ici, chacun soit nécessaire. Porte-maison, l'infante y tient de tels propos que Monsieur du Corbeau va faire office d'espion et puis de messager. La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager, le chasseur a donné du temps à Rongemaille. Ainsi, chacun en son endroit s'entremet, agite et travaille. À qui donner le prix? Au cœur, si l'on m'en croit. Fin de Le Corbeau, la Gazelle, la Tortue et le Rat. Fable 15 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La Forêt et le Bûcheron. Fable 16 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La Forêt et le Bûcheron. Un bûcheron venait de rompre ou d'égarer le bois dont il avait emmanché sa cognée. Cette perte ne put sitôt se réparer que la forêt n'en fut quelque temps épargnée. L'homme enfin la prit humblement de lui laisser tout doucement emporter une unique branche afin de faire un autre manche. Il irait employer ailleurs son gagne-pain. Il laisserait debout main chêne et main sapin dont chacun respectait la vieillesse et des charmes. L'innocente forêt lui fournit d'autres armes. Elle en eut du regret. Il emmanche son fer. Le misérable ne s'en sert qu'à dépouiller sa bienfaitrice de ses principaux ornements. Elle gémit à tout moment. Son propre don fait son supplice. Voilà le train du monde et de ses sectateurs. On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs. Je suis là d'en parler. Mais que de doux ombrages soient exposés à ces outrages, qui ne se plaindrait là-dessus? Hélas, j'ai beau crier et me rendre incommode, l'ingratitude et les abus n'en seront pas moins à la mode. Fin de La Forêt et le Bûcheron. Fable 16 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Renard, le Loup et le Cheval. Fable 17 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le Renard, le Loup et le Cheval. Un renard, jeune encore, quoique des plus madrés, vit le premier cheval qu'il eut vu de sa vie. Il dit à certains loups, franc novice, « Accourez, un animal paît dans nos prés, beau, grand. J'en ai la vue encore toute ravie. Est-il plus fort que nous? » dit le loup en riant. « Fais-moi son portrait, je te prie. » « Si j'étais quelque peintre ou quelque étudiant, repartit le renard, j'avancerais la joie que vous aurez en le voyant. Mais venez, que sait-on, peut-être est-ce une proie que la fortune nous envoie ?» Ils vont, et le cheval qu'à l'herbe on avait mis, assez peu curieux de semblables amis, fut presque sur le point d'enfiler la venelle. « Seigneur, dit le renard, vos humbles serviteurs apprendraient volontiers comment on vous appelle. » Le cheval, qui n'était dépourvu de cervelle, leur dit, « Lisez mon nom, vous le pouvez, messieurs. Mon cordonnier l'a mis autour de ma semelle. » Le renard s'excusa sur son peu de savoir. « Mes parents, reprit-il, ne m'ont point fait instruire. Ils sont pauvres et n'ont qu'un trou pour tout avoir. Ceux du loup, gros messieurs, l'ont fait apprendre à lire. » Le loup, par ce discours flatté, s'approcha. mais sa vanité lui coûta quatre dents. Le cheval lui dessert un coup et haut le pied. Voilà mon loup par terre, mal en point, sanglant et gâté. Frère, dit le renard, ceci nous justifie ce que m'ont dit des gens d'esprit. Cet animal vous a sur la mâchoire écrit que de tout inconnu le sage se méfie. Fin de Le renard, le loup et le cheval. Fable 17 du livre 12e Les fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et les poulets d'Inde. Fable 18 du livre 12e Des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard et les poulets d'Inde. Contre les assauts d'un renard, un arbre à des dindons servait de citadelle. Le perfide, ayant fait tout le tour du rempart et vu chacun en sentinelle, s'écria « Quoi? Ces gens se moqueront de moi? Eux seuls seront exempts de la commune loi? Non, par tous les dieux, non! » Il accomplit son dire. La lune, alors luisant, semblait, contre le sire, vouloir favoriser la dindonnière Jean. Lui, qui n'était novice au métier d'assiégeant, eut recours à son sac de ruse et d'érate, feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes, puis contrefit le mort, puis le ressuscité. Harlequin n'eût exécuté tant de différents personnages. Il élevait sa queue, il la faisait briller, et cent mille autres badinages. Pendant quoi, nul dindon n'eût osé sommeiller. L'ennemi les lassait en leur tenant la vue sur même objet toujours tendu. Les pauvres gens s'étant la longue éblouis, toujours il en tombait quelqu'un. Autant de prix, autant de mise à part. Près de moitié succombe. Le compagnon les porte en son garde-manger. Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe. Fin de Le renard et les poulets d'Inde. Fable 18 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le singe. Fable 19 du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le singe. Il est un singe dans Paris à qui l'on avait donné femme. Singe en effet d'aucun mari, il la battait. La pauvre dame en a tant soupiré qu'enfin, elle n'est plus. Leur fils se plaint d'étrange sorte. Il éclate en cris superflus. Le père en rit. Sa femme est morte. Il a déjà d'autres amours que l'on croit qu'il le battra toujours. Il hante la taverne et souvent il s'enivre. N'attendez rien de bon du peuple imitateur, qu'il soit singe ou qu'il fasse un livre. La pire espèce, c'est l'auteur. Fin de Le singe. Fable 19 des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le philosophe Chite. Fable 20 du livre 12e des fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le philosophe Chite. Un philosophe austère est né dans la Chitie, se proposant de suivre une plus douce vie, voyagea chez les Grecs et vit en certains lieux un sage assez semblable au vieillard de Virgile, homme égalant les rois, homme approchant des dieux, et, comme ces derniers, satisfait et tranquille. Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin. Le Chite l'y trouva, qui, la serpe à la main, de ses arbres à fruits retranchait l'inutile, ébranchait, émondait, ôtait ceci, cela, corrigeant partout la nature, excessive à payer ses soins avec usure. Le chite alors lui demanda pourquoi cette ruine. Était-il d'homme sage de mutiler ainsi ses pauvres habitants? Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage. Laissez agir la faux du temps. Ils iront aussitôt border le noir rivage. J'ôte le superflu, dit l'autre, et l'abattant, le reste en profite d'autant. Le chite, retourné dans sa triste demeure, prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure. Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis un universel abattu. Il ôte de chez lui les branches les plus belles, il tronque son verger contre toute raison, sans observer temps ni saison, lune ni vieille ni nouvelle. Tout languit et tout meurt. Ce chite exprime bien un indiscret stoïcien. Celui-ci retranche de l'âme désir et passion, le bon et le mauvais, jusqu'au plus innocent souhait. Contre de tes gens, quant à moi, je réclame. Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort. Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort. Fin de Le philosophe chite. Fable 20 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'éléphant et le singe de Jupiter. Fable 21 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'éléphant et le singe de Jupiter. Autrefois, l'éléphant et le rhinocéros, en dispute du pas et des droits de l'empire, voulurent terminer la querelle en champ clos. Le jour en était pris, quand quelqu'un vint leur dire que le singe de Jupiter, portant un caducé, avait paru dans l'air. Ce singe avait nom Gilles, à ce que dit l'histoire. Aussitôt, l'éléphant de croire qu'en qualité d'ambassadeur, il venait trouver sa grandeur. Tout fier de ce sujet de gloire, il attend maître Gilles, et le trouve un peu lent à lui présenter sa créance. Maître Gilles, enfin, en passant, va saluer son excellence. L'autre était préparé sur la légation, mais pas un mot. L'attention, qu'il croyait que les dieux eussent à sa querelle, n'agitait pas encore chez eux cette nouvelle. Qu'importe à ceux du firmament qu'on soit mouche ou bien éléphant? Il se vit donc réduit à commencer lui-même. « Mon cousin Jupiter, dit-il, verra dans peu un assez beau combat de son trône suprême. Toute sa cour verra beau jeu. « Quel combat ? » dit le singe avec un front sévère. L'éléphant repartit. « Quoi ? Vous ne savez pas que le rhinocéros me dispute le pas ? Qu'éléphantide a guerre avec rhinocéré ? Vous connaissez ces dieux, ils ont quelque renom. « Vraiment, je suis ravi d'en apprendre le nom, » repartit maître Gilles. « On ne s'entretient guère de semblables sujets dans nos vastes lambris. » L'éléphant, honteux et surpris, lui dit, « Eh, parmi nous, que venez-vous donc faire ?»« Partagez un brin d'herbe entre quelques fourmis. Nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire, on n'en dit rien encore dans le conseil des dieux. Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux. » Fin de L'éléphant et le singe de Jupiter. Fable 21 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un fou et un sage. Fable 22 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Un fou et un sage. Certains fous poursuivaient à coups de pierre un sage. le sage se retourne et lui dit, « Mon ami, c'est fort bien fait à toi. Reçois cet écu-ci. Tu te fatigues assez pour gagner davantage. Toute peine, dit-on, est digne de loyer. Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer. Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire. » Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire même insulte à l'autre bourgeois. On ne le paya pas en argent cette fois, mais testafié à court. On vous happe notre homme, on vous l'échine, on vous l'assomme. Auprès des rois, il est de pareils fous. À vos dépens, ils font rire le maître. Pour réprimer leur babille, irez-vous les maltraiter? Vous n'êtes pas peut-être assez puissant. Il faut les engager à s'adresser à qui peut se venger. Fin de Un fou et un sage. Fable 22 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard anglais. Fable numéro 23 du 12e livre des Fables de Jean de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard anglais. À Madame Harvey. Le bon cœur est chez vous, compagnon du bon sens, avec 100 qualités trop longues à déduire. Une noblesse d'âme, un talent pour conduire et les affaires et les gens. Une humeur franche et libre, et le don d'être ami malgré Jupiter même et les temps orageux. Tout cela méritait un éloge pompeux. Il en eût été moins selon votre génie. La pompe vous déplaît, l'éloge vous ennuie. J'ai donc fait celui-ci court et simple. Je veux y coudre encore un mot ou deux en faveur de votre patrie. Vous l'aimez. Les Anglais pensent profondément. Leur esprit en cela suit leur tempérament. Creusant dans les sujets et forts d'expérience, ils étendent partout l'empire des sciences. Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour. Vos gens à pénétrer l'emportent sur les autres. Même les chiens de leur séjour ont meilleur nez que n'ont les nôtres. Vos renards sont plus fins. Je m'en vais le prouver par un d'eux qui, pour se sauver, mit en usage un stratagème non encore pratiqué, des mieux imaginés. Le scélérat, réduit en un péril extrême et presque mis à bout par ses chiens au bon nez, passa près d'un patibulaire. Là, des animaux ravissants, blaireaux, renards, hiboux, s'enclinent à mal faire, pour l'exemple pendu, instruisaient les passants. Leurs confrères, aux abois, entre ces morts s'arrangent. Je crois voir Hannibal, qui, pressé des Romains, met leur chef en défaut ou leur donne le change, et sait, en vieux renard, s'échapper de leurs mains. Les clés de meute, parvenues à l'endroit où pour mort le traître se pendit, remplirent l'air de cris. Leur maître les rompit, bien que de leurs abois ils perçassent les nues. Il ne put soupçonner ce tour assez plaisant. « Quelque terrier, dit-il, a sauvé mon galant. Mes chiens n'appellent point au-delà des colonnes où sont tant d'honnêtes personnes. Il y viendra le drôle. » Il y vint à son dame. Voilà mes bassets clabaudants, voilà notre renard au charnier se guindant. Maître pendu croyait qu'il en irait de même que le jour qu'il tendit de semblables panneaux. Mais le pauvret, ce coup, il laissa ses housseaux. Tant il est vrai qu'il faut changer de stratagème. Le chasseur, pour trouver sa propre sûreté, n'aurait pas cependant un tel tour inventé. Non point par peu d'esprit. Est-il quelqu'un qui nie que tout Anglais n'en ait bonne provision? Mais le peu d'amour pour la vie leur nuit en mainte occasion. Je reviens à vous, non pour dire d'autres traits sur votre sujet. Toulon, éloge, est un projet peu favorable pour ma lyre. Peu de nos chants, peu de nos vers, par un encens flatteur, amuse l'univers et se font écouter des nations étranges. Votre prince vous dit un jour qu'il aimait mieux un trait d'amour que quatre pages de louanges. Agréez seulement le don que je vous fais des derniers efforts de ma muse. C'est peu de chose. Elle est confuse de ses ouvrages imparfaits. Cependant, ne pourriez-vous faire que le même hommage pût plaire à celle qui remplit vos climats d'habitants tirés de l'île de Cythère? Vous voyez par là que j'entends Mazarin, des amours déesses tutélaires. Fin de Le renard anglais, fable numéro 23, du 12e livre des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Daphnis et Alcimadure. Fable 24 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Daphnis et Alcimadure. Imitation de Théocrite. À Madame de la Mésangère. Aimable fille d'une mère à qui seule aujourd'hui mille cœurs font la cour, sans ceux que l'amitié rend soigneux de vous plaire, et quelques-uns encore que vous garde l'amour. Je ne puis qu'en cette préface, je ne partage entre elle et vous, un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse, et que j'ai le secret de rendre exquis et doux. Je vous dirai donc, mais tout dire, ce serait trop. Il faut choisir, ménageant ma voix et ma lyre, qui bientôt vont manquer de force et de loisirs. Je louerai seulement un cœur plein de tendresse, ses nobles sentiments, ses grâces, cet esprit. Vous n'auriez en cela ni maître ni maîtresse, sans celle dont sur vous l'éloge rejaillit. Gardez d'environner ces roses de trop d'épines, si jamais l'amour vous dit les mêmes choses. Il les dit mieux que je ne fais. Aussi sait-il punir ceux qui ferment l'oreille à ses conseils. Vous l'allez voir. Jadis, une jeune merveille méprisait de ce dieu le souverain pouvoir. On l'appelait Alcimadure. Fier et farouche objet, toujours courant au bois, toujours sautant au pré, dansant sur la verdure et ne connaissant autre loi que son caprice. Au reste, égalant les plus belles et surpassant les plus cruelles, n'ayant trait qui ne plût pas même en ses rigueurs. Quel l'eût-on trouvé au fort de ses faveurs? Le jeune et beau Daphnis, berger de noble race, l'aima pour son malheur. Jamais la moindre grâce, ni le moindre regard, le moindre mot enfin, ne lui fut accordé par ce cœur inhumain. Là de continuer une poursuite vaine, il ne songea plus qu'à mourir. Le désespoir le fit courir à la porte de l'inhumaine. Hélas, ce fut au vent qu'il raconta sa peine. On ne daigna lui faire ouvrir cette maison fatale où, parmi ses compagnes, l'ingrate, pour le jour de sa nativité, joignait aux fleurs de sa beauté les trésors des jardins et des vertes campagnes. « J'espérais, cria-t-il, expirer à vos yeux. Mais je vous suis trop odieux, et ne m'étonne pas qu'ainsi que tout le reste, vous me refusiez même un plaisir si funeste. Mon père, après ma mort, et je l'en ai chargé, doit mettre à vos pieds l'héritage que votre cœur a négligé. Je veux que l'on y joigne aussi le pâturage, tous mes troupeaux avec mon chien, et que du reste de mon bien, mes compagnons fondent un temple où votre image se contemple, renouvelant de fleurs l'autel à tout moment. J'aurai près de ce temple un simple monument. On gravera sur la bordure. Daphnis mourut d'amour. Passant, arrête-toi. Pleure et dis, celui-ci succomba sous la loi de la cruelle Alcimadure. À ces mots, par la parque, il se sentit atteint. Il aurait poursuivi. La douleur le prévint. Son ingrate sortit triomphante et parée. On voulut, mais en vain, l'arrêter un moment pour donner quelques pleurs au sort de son amant. Elle insulta toujours au fils de Cythéré, menant, dès ce soir même au mépris de ses lois, ses compagnes danser autour de sa statue. Le dieu tomba sur elle, il l'accabla du poids. Une voix sortit de la nue. Écho redit ces mots dans les airs épandus. Que tout aime à présent, l'insensible n'est plus. Cependant de Daphnis, l'ombre rustique descendue frémit et s'étonna la voyant accourir. Tous les rebs entendirent cette belle homicide s'excuser au berger qui ne daigna l'ouïr, non plus qu'Ajax, Ulysse et Didon son perfide. Fin de Daphnis et Alcimadure. Fable 24 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Philémon et Baucis. Fable 25 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Philémon et Baucis. À Monseigneur le duc de Vendôme. Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux. Ces deux divinités n'accordent à nos vœux que des biens peu certains, qu'un plaisir peu tranquille. Des soucis dévorants, c'est l'éternel asile. Véritable vautour que le fils de Japet représente, enchaîné sur son triste sommet. L'humble toit est exempt d'un tribut si funeste. Le sage y vit en paix et méprise le reste. Content de ses douceurs, errant parmi les bois, il regarde à ses pieds les favoris des rois. Il lit au front de ceux qu'un vain luxe environne, que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne. Approche-t-il du but, quitte-t-il ce séjour, rien ne trouble sa fin. C'est le soir d'un beau jour. Philémon et Baucis nous en offrent l'exemple. Tous deux virent changer leur cabane en un temple. Hyménée et l'amour, par des désirs constants, avaient uni leur cœur dès leur plus doux printemps. Ni le temps ni l'hymen n'éteignirent leur flamme. Cloton prenait plaisir à filer cette trame. Ils surent cultiver, sans se voir assister, leur enclos et leur champ par deux fois vingt étés. Eux seuls, ils composaient toute leur république. Heureux de ne devoir, à pas un domestique, le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendaient. Tout vieillit. Sur leur front, les rides s'étendaient. L'amitié modéra leur feu sans les détruire, et par des traits d'amour sut encore se produire. Ils habitaient un bourg plein de gens, dont le cœur joignait aux duretés un sentiment moqueur. Jupiter résolut d'abolir cette engeance. Il part avec son fils, le dieu de l'éloquence. Tous deux en pèlerins vont visiter ces lieux. Mille logis y sont. Un seul ne s'ouvre aux dieux. Prêts enfin à quitter un séjour si profane, ils virent à l'écart une étroite cabane, demeure hospitalière, humble et chaste maison. Mercure frappe. On ouvre. Aussitôt Philémon vient au-devant des dieux et leur tient ce langage. Vous me semblez tous deux fatigués du voyage. Reposez-vous. Usez du peu que nous avons. L'aide des dieux a fait que nous le conservons. Usez-en. Saluez ces pénates d'argile. Jamais le ciel ne fut aux humains si facile que quand Jupiter même était de simple bois. Depuis qu'on l'a fait d'or, il est sourd à nos voix. Baucis, ne tardez point. Faites tiédir cette onde. Encore que le pouvoir au désir ne réponde, nos hôtes agréeront les soins qui leur sont dus. Quelques restes de feu sous la cendre épandue d'un souffle haletant par Baucis s'allumèrent. Des branches de bois sec aussitôt s'enflammèrent. L'onde tiède, on lava les pieds des voyageurs. Philémon les pria d'excuser ses longueurs. et, pour tromper l'ennui d'une attente importune, il entretint les dieux, non point sur la fortune, sur ses jeux, sur la pompe et la grandeur des rois, mais sur ce que les champs, les vergers et les bois ont de plus innocent, de plus doux, de plus rare. Cependant, par Baucis, le festin se prépare. La table où l'on servit le champêtre repas fut dès non façonnée à l'aide du compas. Encore assure-t-on, si l'histoire en est crue, qu'en un de ses supports le temps l'avait rompu. Baucis en égala les appuis chancelants du débris d'un vieux vase, autre injure des ans. Un tapis tout usé couvrit deux escabelles. Il ne servait pourtant qu'aux fêtes solennelles. Le linge orné de fleurs fut couvert, pour tout mets, d'un peu de lait, de fruits et des dons de Cérès. Les divins voyageurs, altérés de leurs cousses, mêlaient au vin grossier le cristal d'une source. Plus le vase versait, moins il s'allait vidant. Philémon reconnut ce miracle évident. Baucis n'en fit pas moins. Tous deux s'agenouillèrent. À ce signe d'abord, leurs yeux se dessillèrent. Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils qui font trembler les cieux sur leurs pôles assis. « Grand Dieu, dit Philémon, excusez notre faute. Quels humains auraient cru recevoir un tel hôte? Ces mets, nous l'avouons, sont peu délicieux. Mais, quand nous serions rois, que donner à des dieux? C'est le cœur qui fait tout, que la terre et que l'onde apprêtent un repas pour les maîtres du monde. Ils lui préféreront les seuls présents du cœur. » Baucis sort à ces mots pour réparer l'erreur. Dans le verger courait une perdrix privée, et par de tendres soins dès l'enfance élevée. Elle en veut faire un mets et la poursuit en vain. La volatile échappe à sa tremblante main. Entre les pieds des dieux, elle cherche un asile. Ce recours à l'oiseau ne fut pas inutile. Jupiter intercède. Et déjà les vallons voyaient l'ombre en croissant tomber du haut des monts. Les dieux sortent enfin et font sortir leurs hôtes. « De ce bourg, dit Jupin, je veux punir les fautes. Suivez-nous. Toi, Mercure, appelle les vapeurs. Aux gens durs, vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurs. » Il dit, et les autans troublent déjà la plaine. Nos deux époux suivaient, ne marchant qu'avec peine. Un appui de roseaux soulageait leurs vieux ans. Moitié secours des dieux, moitié peur, se hâtant, sur un mont assez proche enfin, ils arrivèrent. À leurs pieds aussitôt, sans nuages crevèrent. Des ministres du dieu, les escadrons flottants, entraînèrent, sans choix, animaux, habitants, arbres, maisons, vergers, toute cette demeure. Sans vestige du bourg, tout disparut sur l'heure. Les vieillards déploraient ces sévères destins. Les animaux périrent, car encore les humains, tous, avaient dû tomber sous les célestes armes. Baucis en répandit en secret quelques larmes. Cependant, l'humble toit devient temple, et ses murs changent leur frêle enduit aux marbres les plus durs. De pilastres massifs, les cloisons revêtues, en moins de deux instants, s'élèvent jusqu'aux nues. Le chaume devient or. Tout brille en se pourpris. Tous ces événements sont peints sur le lambris. Loin, bien loin, les tableaux de Zeuxis et d'Appel. Ceux-ci furent tracés d'une main mortelle. Nos deux époux, surpris, étonnés et confondus, se crurent par miracle en l'Olympe rendu. Vous comblez, dirent-ils, vos moindres créatures. Aurions-nous bien le cœur et les mains assez purs pour présider ici sur les honneurs divins et prêtres vous offrir les vœux des pèlerins? Jupiter exauça leur prière innocente. Hélas, dit Philémon, si votre main puissante voulait favoriser jusqu'au bout de mortels, ensemble nous mourions en servant vos autels. Cloton, ferait d'un coup ce double sacrifice. D'autres mains nous rendraient un vain et triste office. Je ne pleurerai point celle-ci, ni ses yeux ne troubleraient non plus de leurs larmes ces lieux. Jupiter à ce vœu fut encore favorable. Mais oserais-je dire un fait presque incroyable? Un jour qu'assis tous deux dans le sacré parvis, ils contaient cette histoire aux pèlerins ravis, la troupe, alentour d'eux, debout prêtait l'oreille. Philémon leur disait, « Ce lieu, plein de merveilles, n'a pas toujours servi de temple aux immortels. Un bourg était autour, ennemi des autels, gens barbares, gens durs, habitacle d'impies. Du céleste courroux, tous furent les hosties. Il ne resta que nous d'un si triste débris. Vous en verrez tantôt la suite en nos lambris. » Jupiter les peignit. En comptant ses annales, Philémon regardait Baucis par intervalles. Elle devenait arbre et lui tendait les bras. Il veut lui tendre aussi les siens et ne peut pas. Il veut parler, l'écorce a sa langue pressée. L'un et l'autre se dit adieu de la pensée. Le corps n'étant au plus que feuillage et que bois. D'étonnement, la troupe ainsi qu'eux perd la voix, même instant, même sort à leur fin les entraîne. Baucis devient tilleul, Philémon devient chêne. On les va voir encore, afin de mériter les douceurs qu'en y mène amour leur fit goûter. Ils courbent sous le poids des offrandes sans nombre. Pour peu que des époux séjournent sous leur ombre, ils s'aiment jusqu'au bout, malgré l'effort des ans. Ah, si! Mais autre part, j'ai porté mes présents. Célébrons seulement cette métamorphose. Des fidèles témoins, m'ayant conté la chose, Clio me conseilla de l'étendre en ces vers qui pourront, quelque jour, l'apprendre à l'univers. Quelque jour, on verra, chez des races futures, sous l'appui d'un grand nom, passer ses aventures. Vendôme, consentez au lot que j'en attends. Faites-moi triompher de l'envie et du temps. Enchaînez ces démons, que sur nous ils n'attentent, ennemis des héros et de ceux qui les chantent. Je voudrais pouvoir dire en un style assez haut qu'ayant mille vertus, vous n'avez nul défaut. Toutes les célébrées seraient œuvre infinie. L'entreprise demande un plus vaste génie. Car quel mérite enfin ne vous fait estimer? Sans parler de celui qui force à vous aimer? Vous joignez à ces dons l'amour des beaux ouvrages, vous y joignez un goût plus sûr que nos suffrages. Don du ciel, qui peut seul tenir lieu des présents, que nous font à regret le travail et les ans. Peu de gens élevés, peu d'autres encore même, font voir par ses faveurs que Jupiter les aime. Si quelque enfant des dieux les possède, c'est vous. Je l'ose dans ses vers soutenir devant tous. Clio, sur son giron, à l'exemple d'Homère, vient de les retoucher, attentive à vous plaire. On dit qu'elle et ses sœurs, par l'ordre d'Apollon, transportent dans l'ai tout le sacré vallon. Je le crois. Puissions-nous chanter sous les ombrages des arbres dont ce lieu va border ses rivages? Puissent-ils tout d'un coup élever leurs sourcils, comme on vit autrefois Philémon et Baucis? Fin de Philémon et Baucis. Fable 25 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La matrone d'Éphèse. Fable 26 des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La matrone d'Éphèse. S'il est un conte usé, commun et rebattu, c'est celui qu'en ces vers j'accommode à ma guise. Et pourquoi donc le choisis-tu? Qui t'engage à cette entreprise? N'a-t-elle point déjà produit assez d'écrits?

cela lui sauvait l'autre, et tout considéré, mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré. Fin de La Matrone d'Éphèse, fable 26 du livre 12e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Belle Fégor. Dédicace à Marie Desmar. Fable 27 du livre 12e des Fables de La Fontaine, lu par Jean Lambert pour LibriVox.org. Belle Fégor. De votre nom, j'orne le frontispice des derniers vers que m'amuse à polir. Puisse le tout, ô charmante Phyllis, aller si loin que notre lot franchisse la nuit des temps. Nous la serons domptée, moi par écrire et vous par réciter. Nos noms unis perceront l'ombre noire. Vous régnerez longtemps dans la mémoire, après avoir régné jusqu'ici dans les esprits, dans les cœurs même aussi. Qui ne connaît l'inimitable actrice représentant ou Phèbre, ou Bérénice, Chimène en pleurs, ou Camille en fureur? Est-il quelqu'un que votre voix n'enchante? S'en trouve-t-il une autre aussi touchante? Une autre, enfin, allant si droit au cœur? N'attendez pas que je fasse l'éloge de ce qu'en vous on trouve de parfait, comme il n'est point de grâce qui n'y loge. Ce serait trop. Je n'aurais jamais fait. De mes Phyllis, vous seriez la première. Vous auriez eu mon âme tout entière, si de mes vœux j'eusse pu présumer, mais en aimant, qui ne veut être aimé? Par des transports n'espérant pas vous plaire, je me suis dit seulement votre ami, de ceux qui sont amants plus qu'à demi, et plutôt sort que j'eusse pu mieux faire. Ceci soit dit, venons à notre affaire. Un jour, Satan, monarque des enfers, faisait passer ses sujets en revue. Là, confondus tous les états divers, princes et rois et la tourbe menue, jetaient maints pleurs, poussaient maints et maints cris, tant que Satan en était étourdi. Il demandait en passant à chaque âme, « Qui t'a jeté en l'éternelle flamme ?» L'une disait, « Hélas, c'est mon mari. » L'autre aussitôt répondait, « C'est ma femme. » Tant et tant fut ce discours répété, qu'enfin Satan dit en plein consistoire, « Si ces gens-ci disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. » Pour cet effet, il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence, qui, non content d'observer avec soin tous les hymens dont il sera témoin, y joignent aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé sa sentence, le noir sénat suivit tout d'une voix. De Belle Fégor aussitôt on fit choix. Ce diable était tous yeux et toute oreille. Grand éplucheur, clairvoyant à merveille, capable enfin de pénétrer dans tout et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, on lui donna maintes et maintes remises, tout à vue et qu'en lieux différents, il put toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines, les biens, les maux, les plaisirs, les peines, bref, ce qui suit notre condition, fut une annexe à sa légation. Il se pouvait tirer d'affliction par ses bons tours et par son industrie, mais non mourir ni revoir sa patrie, qu'il n'eût ici consumé certain temps. Sa mission devait durer 10 ans. Le voilà donc qui traverse et qui passe ce que le ciel voulut mettre d'espace entre ce monde et l'éternelle nuit. Il n'en mit guère un moment y conduit. Notre démon s'établit à Florence, ville pour l'or de luxe et de dépenses. Même, il la crut propre pour le trafic. Là, sous le nom du seigneur Roderick, il se logea, meubla comme un riche homme. grosse maison, grand train, nombre de gens, anticipant tous les jours sur la somme qu'il ne devait consumer qu'en 10 ans. On s'étonnait d'une telle bombance. Il tenait table, avait de tous côtés gens à ses frais, soit pour ses voluptés, soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa fut la louange. Apollon l'encensa, car il est maître en l'art de flatterie. Diable n'eut-on que tant d'honneur en sa vie. Son cœur devint le but de tous les traits qu'amour lançait. Il n'était point de belle qui n'employât ce qu'elle avait d'attrait pour le gagner, tant sauvage fut-elle. Car de trouver une seule rebelle, ce n'est la mode à gens de qui la main par les présents s'aplanit tout chemin. C'est un ressort en tout dessein utile. Je l'ai déjà dit, et le redis encore, je ne connais d'autre premier mobile dans l'univers que l'argent et que l'or. Notre envoyé cependant tenait compte de chaque hymen en journaux différents. L'un, des époux satisfaits et contents, si peu rempli que le diable en eut honte. L'autre journal incontinent fut plein. À Belphégor, il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même. Certaine fille à Florence était l'or, belle et bien faite et peu d'autres trésors. Noble d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême, et d'autant plus que, de quelque vertu, un tel orgueil paraissait revêtu. Pour Roderick, on en fit la demande. Le père dit que Madame Onesta, c'était son nom, avait eu jusque-là force parti, mais que parmi la bande, il pourrait bien Roderick préférer, et demandait tant pour délibérer. On en convient. Le poursuivant s'applique à gagner celle où ses vœux s'adressaient. Fêtes et bals, sérénades, musique, cadeaux, festins, bien fort appétissaient, altéraient fort le fond de l'ambassade. Il n'y plaint rien, en use, en grand seigneur, s'épuisant donc. L'autre se persuade qu'elle lui fait encore beaucoup d'honneur. Conclusion, qu'après force prières et des façons de toutes les manières, il eut un oui de Madame Onesta. Auparavant, le notaire y passa, dont Belphégor se moquant en son âme. « Et quoi, dit-il, on acquiert une femme comme un château? Ces gens ont tout gâté. » Il eut raison. Ôter d'entre les hommes la simple foi, le meilleur est ôté. Nous nous jetons, pauvres gens que nous sommes, dans les procès en prenant le revers. Les si, les cas, les contrats sont la porte par où la noise entra dans l'univers. N'espérons pas que jamais elle en sorte. Solennité et loi n'empêchent pas qu'avec les mêmes amours naît des débats. C'est le cœur seul qui peut rendre tranquille. Le cœur fait tout, le reste est inutile. Qu'ainsi ne soit, voyons d'autres états. Chez les amis, tout s'excuse, tout passe. Chez les amants, tout plaît, tout est. Chez les époux, tout ennuie et tout lasse. Le devoir nuit, chacun est ainsi fait. Mais, dira-t-on, n'est-il en nulle guise d'heureux ménage? Après mûr examen, j'appelle un bon, voire un parfait hymen, quand les conjoints se souffrent leur sottise. Sur ce point-là, c'est assez raisonné. Dès que chez lui le diable eut amené son épousée, il jugea par lui-même ce qu'elle y mène avec un tel démon. Toujours débat, toujours quelques sermons, plein de sottises en un degré suprême. Le bruit fut tel que Madame Onesta, plus d'une fois les voisins éveilla. Plus d'une fois on courut à la noise. Il lui fallait quelque simple bourgeoise, se disait-elle. Un petit trafiquant traitait ainsi les filles de mon rang. Méritait-il femme si vertueuse? Sur mon devoir je suis trop scrupuleuse. J'en ai regret, et si je faisais bien? Il n'est pas sûr qu'Onesta ne fit rien. Ces peu de là nous en font bien à croire. nos deux époux, à ce que dit l'histoire, sans disputer n'étaient pas un moment. Souvent leur guerre avait pour fondement le jeu, la jupe ou quelque ameublement, d'été, d'hiver, d'entretemps, bref, un monde d'inventions propre à tout gâter. Le pauvre diable eut lieu de regretter de l'autre enfer la demeure profonde. Pour comble, enfin, Roderick épousa la parente de Madame Onesta, ayant sans cesse le père et la mère et la grand-sœur avec le petit frère, de ses deniers mariant la grand-sœur et du petit payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause de sa ruine, infaillible accident, et j'oubliais qu'il eut un intendant. Un intendant? Qu'est-ce que cette chose? Je définis cet être, un animal qui, comme on dit, s'est péché en eau trouble, et plus le bien de son maître va mal, plus le sien croît, plus son profit redouble, tant qu'aisément lui-même achèterait ce qui, de net au Seigneur, resterait. Dont par raison, bien et dûment déduite, on pourrait voir chaque chose réduite en son état, s'il arrivait qu'un jour l'autre devint l'intendant à son tour, car regagnant ce qu'il eut étant maître, ils reprendraient tous deux leur premier être. Le seul recours du pauvre Roderick, son seul espoir, était certain trafic qu'il prétendait devoir remplir sa bourse, espoir douteux, incertaine ressource. Il était dit que tout serait fatal à notre époux, ainsi tout alla mal. Ses agents, tels que la plupart des nôtres, en abusaient. Il perdit un vaisseau et vit aller le commerce à volo, trompe des uns, mal servi par les autres. Il emprunta. Quand se vint à payer et qu'à sa porte il vit le créancier, force lui fut d'esquiver par la fuite, gagnant les champs ou de l'âpre poursuite, il se sauva chez un certain fermier, en certain coin remparé de fumier. Mais Mathéo, moyennant grosse somme, l'en fit sortir au premier mot qu'il dit. C'était à Naples. Il se transporte à Rome. Saisit un corps, Mathéo l'en bannit, le chasse encore, autre somme nouvelle. Trois fois enfin, toujours d'un corps femelle, remarquez bien, notre diable sortit. Le roi de Naples avait lors une fille, honneur du sexe, espoir de sa famille. Mais jeune prince était son poursuivant. Là, d'Onesta Belphégor se sauvant, on ne le put tirer de cet asile. Il n'était bruit au champ, comme à la ville, que d'un manant qui chassait les esprits. 100 000 écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme, car les trois fois l'empêchaient d'espérer que Belphégor se laissât conjurer, il la refuse. Il se dit un pauvre homme, pauvre pêcheur qui, sans savoir comment, sans don du ciel, par hasard seulement, de quelque corps a chassé quelque diable, apparemment chétif et misérable, et ne connaît celui-ci nullement. Il a beau dire, on le force, on l'amène, on le menace, on lui dit que sous peine d'être pendu, d'être mis haut et court en un gibet, il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour. Dès lors même, on vous met en présence notre démon et son conjurateur. D'un tel combat, le prince est spectateur. Chacun y court, n'est fils de bonne mère qui, pour le voir, ne quitte tout affaire. D'un côté sont le gibet et la harpe, 100 000 écus bien comptés d'autre part. Mathéo tremble et lorgne la finance. L'esprit malin, voyant sa contenance, riait sous cap. Alléguait les trois fois. Dont Mathéo suait en son arnois, pressait, priait, conjurait avec larmes. Le tout en vain. Plus il est en alarme, plus l'autre rit. Enfin, le manant dit que sur ce diable, il n'avait nul crédit. On vous le happe et mène à la potence. Comme il allait haranguer l'assistance, nécessite lui suggéra ce tour. Il dit tout bas qu'on battit le tambour, ce qui fut fait. De quoi l'esprit monde, un peu surpris, au manant demanda. « Pourquoi ce bruit? Coquin, qu'entends-je là? » L'autre répond. «

les filles de Minée. Fable 28 du livre 12e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Fable 29 du 12e livre des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Trois saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à même but. Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tous chemins vont à Rome. Ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis, des longueurs, des traverses qu'en apanage on voit au procès attaché, s'offrit de les juger sans récompense aucune, peu soigneux d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié? Les trois quarts, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue. Et le soin de soulager les maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers. Chagrin, impatient et se plaignant sans cesse. Il a pour tel et tel un soin particulier. Ce sont ses amis, il nous laisse. Sa plainte n'était rien au prix de l'embarras où se trouva réduit la pointeur de débat. Aucun n'était content. La sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale. De semblables discours rebutaient la pointeur. Ils courent aux hôpitaux, vont voir leur directeur. Tous deux ne recueillant que plaintes et que murmures, affligés et contraints de quitter ces emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lieu respecté des vents, ignoré du soleil, il trouve l'autre saint, lui demande conseil. « Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui, mieux que vous, sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la Majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité? L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez-le, vous y voyez-vous? Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. » Ainsi parla le solitaire. Il fut cru. L'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt, et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ces communs besoins. Ô vous, dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler mille accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si quelque bon moment à ces pensées vous donne, quelque flatteur vous interrompt. Cette leçon sera la fin de ces ouvrages, puisse-t-elle être utile au siècle à venir. Je la présente au roi, je la propose aux sages. Par où saurais-je mieux finir? Fin de Le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Fable 29 du 12e livre des fables de Jean de La Fontaine. Fin du livre 12e des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Ligue des Rats, une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La Ligue des Rats. Une souris craignait un chat qui, dès longtemps, la guettait au passage. Que faire en cet état? Elle, prudente et sage, consulte son voisin. C'était un maître rat dont la rateuse seigneurie s'était logée en bonne hôtellerie et qui cent fois s'était vantée, dit-on, de ne craindre de chat ou chatte ni coup de dent ni coup de patte. « Dame souris, lui dit ce fanfaron, ma foi, quoi que je fasse, seul je ne puis chasser le chat qui vous menace. Mais assemblant tous les rats d'alentour, je lui pourrai jouer d'un mauvais tour. » La souris fait une humble révérence, et le rat court en diligence à l'office, qu'on nomme autrement la dépense, où maint rat assemblé faisait, aux frais de l'hôte, une entière bombance. Il arrive les sens troublés et les poumons tout essoufflés. « Qu'avez-vous donc ? » lui dit un de ses rats. « Parlez. » « En deux mots, répond-il, ce qui fait mon voyage, c'est qu'il faut promptement secourir la souris, car Ramina Grobis se fait en tout lieu un étrange ravage. Ce chat, le plus diable des chats, s'il manque de souris, voudra manger des rats. Chacun dit, « Il est vrai, su, su, courons aux armes. » Quelques rats, dit-on, répandirent des larmes. N'importe, rien n'arrête un si noble projet. Chacun se met en équipage. Chacun met dans son sac un morceau de fromage. Chacun promet enfin de risquer le paquet. Ils allaient tous comme à la fête, l'esprit content, le cœur joyeux. Cependant, le chat, plus fin qu'eux, tenait déjà la souris par la tête. Ils s'avancèrent à grands pas pour secourir leur bon ami. Mais le chat, qui n'en démord pas, gronde et marche au-devant de la troupe ennemie. À ce bruit, nos très prudents rats, craignant mauvaise destinée, font, sans pousser plus loin leur prétendu fracas, une retraite fortunée. Chaque rat rentre dans son trou, et si quelqu'un en sort, gare encore le matou. Fin de La Ligue des Rats. Fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le renard et l'écureuil. Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le renard et l'écureuil. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point, et certaines chroniques m'en fournissent un plus authentique. Le renard se moquait un jour de l'écureuil, qu'il voyait assailli d'une forte tempête. « Te voilà, dit-il, prêt d'entrer au cercueil, et de ta queue en vain, tu te couvres la tête. Plus tu t'es approché du fait, plus l'orage te trouve en butte à tous ses coups. Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre. Voilà ce qui te prend. Moi qui cherche des trous, je ris en attendant que tu sois mis en poudre. » Tandis qu'ainsi le renard se gabait, il prenait mes pauvres poulets au gobet. Lorsque l'ire du ciel à l'écureuil pardonne, il n'éclaire plus ni ne tonne. L'orage cesse, et le beau temps venu, un chasseur ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière, « Tu paieras, dit-il, mes poulets. Aussitôt nombre de bassets vous fait déloger le compère. L'écureuil l'aperçoit qui fuit devant la meute qui le suit. Ce plaisir ne lui dure guère, car bientôt il le voit aux portes du trépas. Il le voit, mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère. Fin de Le renard et l'écureuil. Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le soleil et les grenouilles. Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le soleil et les grenouilles. Les filles du limon tiraient du roi des astres assistance et protection. Guerre, ni pauvreté, ni semblable désastre ne pouvaient approcher cette nation. Elle faisait valoir en 100 lieues son empire. La reine des étangs, grenouille, veux-je dire, car que coûte-t-il d'appeler les choses par noms honorables, contre leurs bienfaiteurs osèrent cavaler et devinrent insupportables. L'imprudence, l'orgueil et l'oubli des bienfaits, enfants de la bonne fortune, firent bientôt crier cette troupe importune. On ne pouvait dormir en paix. Si l'on eût cru leur murmure, elles auraient par leurs cris soulevé grands et petits contre l'œil de la nature. Le soleil, à leur dire, allait tout consumer. Il fallait promptement s'armer et lever des troupes puissantes. Aussitôt qu'ils faisaient un pas, ambassade croissante allait dans tous les états. Allez ouïr, tout le monde, toute la machine ronde roulait sur les intérêts de 4 méchants marais. Cette plainte téméraire dure toujours. Et pourtant, grenouille devrait se taire et ne murmurer pas tant. Car si le soleil se pique, il le leur fera sentir. La République aquatique pourrait bien s'en repentir. Fin de Le soleil et les grenouilles. Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La poule et le renard. Une fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. La poule et le renard. Une poule jeune et sage, toute faite pour charmer, qui pouvait se faire aimer de tous les coqs du village, marchait d'un pas fort galant, et comme poule qui veut plaire, portait pour habit d'ordinaire un petit drap d'or volant. Se voyant posséder des beautés sans égales, malgré 1000 rivales, du mari qu'elle aimait, elle croyait aussi être aimée, et sans doute il le fallait ainsi. Mais bientôt, du contraire, elle se vit certaine, car cet emplumé sultan, suivi de son sérail qu'il menait dans la plaine, se faisait chaque jour des autres une reine, quand celle-ci recevait à peine le mouchoir qu'une fois l'an. Un juste désespoir s'empare de son âme, et suivant le dépit qui l'entraîne et l'enflamme, elle court à venger de si cruels dédains. 1000 desseins elle roule, mais elle est poule, et la crainte lui fait emprunter d'autres mains. Sottement, elle s'adresse au renard, son ennemi, et non sans avoir frémi, lui dit le mal qui la presse. Et pourvu que par lui son cœur soit satisfait, avec serment lui promet que dans les broussailles voisines, elle saura bientôt lui livrer en secret le coq et les concubines. Il lui promet à son tour de bien venger son amour, de secourir sa faiblesse, l'assure qu'elle aura raison, et, comme il est adroit et rempli de finesse, il flatte la trahison pour attraper la traîtresse. D'abord, il s'alla poster sur le détour obscur d'une route secrète, par où, sans qu'on le vît, il pouvait attenter sur toute la troupe coquette. après avoir en tapinois fait longtemps le pied de grue, la poule retourne au bois, lui conter, tout est perdu, que, par un cas imprévu, des soldats, dont la faim est toujours insensée, avaient mis à son insu le sérail en fricassé. « Non, non, je n'aurais point attendu vainement, » dit le renard en colère. « Du temps que j'ai perdu, tu seras le salaire. » Il l'approchant finement, l'étrangla comme il sait faire. Quand on veut venger une offense et que seul on ne peut se venger qu'à demi, c'est une grande imprudence d'employer son ennemi. Fin de La poule et le renard. Fable non recueillie de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.